Pendant ce temps, Grandet a lu la lettre envoyée de Paris par son frère cadet, qu'il n'a pas vu depuis 23 ans. Avant de se suicider, le cadet, déshonoré par une faillite, demande à Grandet de prendre Charles sous sa protection, de lui apprendre convenablement comment son père est mort, et de l'aider à partir aux Indes pour y faire fortune. Lorsque les quatre parents se trouvèrent seuls dans la salle, M. Grandet dit à son neveu « Il faut se coucher, il est trop tard pour causer des affaires qui vous amènent ici. Nous prendrons demain un moment convenable. Vous m'excuserez si mes affaires ne me permettent pas toujours de vous accompagner. Vous les entendez peut-être tous ici, vous disant que je suis riche. Monsieur Grandet par-ci, Monsieur Grandet par-là. Je les laisse dire, leur bavardage ne nuise point à mon crédit. Mais je n'ai pas le sou, et je travaille à mon âge, comme un jeune compagnon qui n'a pour tout bien qu'une mauvaise plaine et deux bons bras. J'espère, mon neveu, que vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dit Madame Grandet. Mais si vous manquez quelque chose, vous pourrez appeler Nanon. »